Radiomatique. La pièce introductrice de la transmission 089 d'Audiomatique était l'œuvre du duo britannique Yazoo et s'intitulait Winter Kills. Le duo Yazoo s'est formé en 1981 lorsque Vince Clarke, qui venait tout juste de quitter Depeche Mode, a répondu à une annonce classée d'une certaine Alison Moyet, qui cherchait un musicien pour fonder un groupe. Yazoo n'a fait paraître que deux albums et s'est fait connaître en Amérique sous le nom de Yaz, puisqu'une compagnie de disques portait déjà le nom de Yazoo et était prête à poursuivre le groupe en justice s'il ne changeait pas son nom. La chanson Winter Kills est parue sur le premier album de Yazoo qui porte le titre de Upstairs at Eric's. Les électronistes sont ici chaque mercredi afin de présenter leurs découvertes en matière de musique électronique. Et ces découvertes ne cessent de faire grandir l'univers sonore d'Audiomatique qui englobe toutes les déclinaisons possibles de la musique électronique et qui transcende les cultures comme les époques. C'est à l'image de ce que nous allons entendre dans les prochaines minutes, soit une pièce tirée de la toute nouvelle compilation Sonidos Raíces del Perú. Sur cette compilation, divers artistes contemporains ont puisé dans le folklore et l'histoire musicale du Pérou pour nous offrir des compositions alliant les sons, rythmes et mélodies du passé avec les technologies du présent. Voici donc Señor Griff et la pièce Huancadelia. Thank you. c'est sur la musique du duo britannique Victoria Fleet que se terminait cette séquence musicale de trois pièces. La composition Stage Whispers que nous avons entendue paraît sur le plus récent album de Victoria Fleet qui se nomme Greed et qui est paru en 2015. Avant cela, le groupe français Air nous livrait sa version de la pièce Heaven Hammer, originellement composée par Beck pour son album Gero. La version que nous avons écoutée, ainsi que plusieurs autres remixes de pièces de cet album par différents artistes, se trouve sur l'album intitulé Gero Lito. Et pour commencer, c'était Senior Griff et sa pièce One Cadelia. Une pièce qu'on retrouve sur la compilation Sonidos Raíces del Perú, produite par l'équipe du magazine Sounds and Colors. Voici, sans plus tarder, à Audiomatique, le duo DK7. We'll be right back. Entertain Précédemment à la divergence sonore publicitaire, nous entendions à Audiomatic le projet canadien Circle Square, mené par Jeremy Shaw, qui nous présentait sa chanson Fight Sounds Part 3 du mini-album Fight Sounds Hippie. Nous vous avons également dévoilé tout juste avant le groupe 2-Bit Pie, qui est en fait un projet parallèle des membres de Fluke, accompagné d'une panoplie de musiciens et chanteurs invités. De leur seul album Two Pie Island, nous entendions la chanson Soto Mundo. Et pour débuter, il s'agissait du duo DK7, formé du Suédois Jesper Dahlbach et de l'Irlandais Mark O'Sullivan, qui nous interprétait la pièce Where's the Fun de leur premier album Disarmed. Allons-y maintenant avec Monstrum Sepsis et la pièce War of Ideas. The regime has long-standing and continuing ties to terrorist organizations. Let's do something. Who is responsible? Come on, let's hit him. And there are Al-Qaeda terrorists inside Iraq. Iraq was responsible. Good, let's go. You say Iraq? Let's go. Let's get in there. Let's kick the hell out of him. We do it this way, so should you. The only real connection is that having invaded Iraq, we are likely to produce what the president has said Iraq represents, namely a central battlefield for foreign terrorism. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass death. Weapons of mass destruction was a convenient way of tricking our Congress into giving the president authority to wage this war. That very first day, September 12th, one day after September 11th, the meeting that was held in the White House in the Situation Room led to Rumsfeld asking the question, shouldn't we use this as an opportunity to do something about Iraq as well? I still thought that 3.5 months for U.S. pensions was a rather short time before pulling back. And especially when we now see that they say, the U.S. government is saying that you have to have a patience, you know, these things take time. The ties with Al-Qaeda was just a scare tactic to exploit the trauma, the very real trauma that the American people have felt ever since 9/11, and to associate that trauma with Iraq. As you know from the polls, most Americans believe that Iraq had something to do with 9/11, and that was a very successful, very deliberate, and very unethical and immoral operation on the part of the U.S. people. This is the conspiracy. My president said was, what did you say? You know, you took out a trip. I don't know if people have been here. I connected my wife to 9/11. Listen, that's a lot. What the hell are we going here for? We're getting back for 9/11. Well, if you didn't have anything to do with 9/11, why are we going in there? I was mad. my first thought is, you're alive. I think when you begin to store the evidence, it leads you into some very dangerous rationale. I think the administration has not been honest with what its longer range goals and philosophy were. Theory of implosion. The only three reasons out of physicists doesn't have any impact. So essentially, we have been neocon into applying a school of thought about foreign affairs that has failed. Everywhere it's been tried. I don't think some of the violence that sent us plays to attack us because we needed our freedom. I think he did it because of our support for Israel and our ties with the Saudi family and all our military bases in Saudi Arabia. No, wait, that. Because that's what he fucking said! Are we a nation of six-year-olds? If the terrorists needed freedom, then the Netherlands would be dust. As would Denmark, Sweden, Switzerland, Zealand, Canada, and every other country that's truly free than we are. The most troubling thing about the fact that the distortions and misleading statements that Bush gave Congress is that it is a federal felony. It's a crime to mislead and distort information presented to the Congress. I'm from the old school. Certain people walk on water. The President of the United States is one of them. I can't trust the President of the United States. It's a terrible thing. American citizens can't trust their president. You begin to wonder, what the hell is with the whole system? There's something wrong with the entire system. Government exploited my feelings of patriotism, of a deep desire for revenge for what happened to my son. But I was so insane with wanting to get even, I was willing to believe anything. I was made to forget myself and die. his foot up from me, dispersed in the streets. Humanity drained his pants were pissed with human meats. You'd always wonder what a civilized woman's thinking. That I'd rather not be dead instead of with several beers drinking. And during death like a black hole, the story time. Every second longer than the last with exponential design. Your last thought is just a sensation of teeth shattering. Against the asphalt, no my fault, blood in flesh scattering. About hell, a focus on time expanded shouts. And plenty of time to fixate, assessing a life of doubts. La formation Hansel concluait la séquence musicale de deux pièces avec la composition Mind Control parue sur l'album Lorenzian Line Shaper sorti en 2006. Et auparavant, c'était le projet Monstrum Sepsis de qui nous entendions la pièce War of Ideas tirée de l'album Artifact. C'est au duo belge Vive la fête que revient la responsabilité de clore cette transmission 089 d'Audiomatique. Nous vous ferons jouer la chanson bien connue Noir Désir de leur album Nuit Blanche. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces minutes en leur compagnie et ils vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 090 d'Audiomatique. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou pour vous gaver de musique électronique en réécoutant toutes nos anciennes transmissions. D'ici à la semaine prochaine, les électronistes vous souhaitent de bonnes écoutes, à commencer par Vive la fête et la chanson Noir Désir.